Et il met la patate direct ce son. Will Card à l'instant, Cachemire. Et on rejoint David dans les studios pour un petit tour du côté de l'horoscope à 10h. Passé de 9 minutes, c'est ici, ça se passe jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Les béliers, on saura vous prendre par les sentiments. Entre Modo et Calin, vous ne saurez plus où donner de la tête. Ne résistez pas, hein. Laissez-vous aimer. Les taureaux, une journée pleine de surprises. La reine de l'instant présent, c'est vous, hein. Vous saurez y faire pour réunir petits et grands. Les gémeaux, ah non, vous n'allez pas gâcher les bons moments pour des détails sans intérêt. Restez léger. Et même la lune n'osera pas perturber la fête. Les cancers, le ciel vous envoie de belles ondes et vous voilà tout ému. Si vous êtes mère, vous serez aux anges. Les lions, on préfère vous entendre ronronner que rugir. Alors oui, soyez chaleureux, donnez de l'amour. C'est ce que vous faites le mieux. Les vierges, ne cherchez pas d'histoire, ce serait dommage de pourrir une si belle journée. Les balances, vous si plaisant et attentionné. Comment ne pas vous aimer, le ciel est presque à vos pieds pour le bonheur de votre joli cœur. Les scorpions, plus cool, plus tendre, plus doux. La joie va briller dans vos yeux autant que ceux des petits. Les sagittaires, si vous voulez le meilleur, remballez votre mauvaise humeur, ce n'est pas le jour. Prenez un peu de hauteur. Les capricornes, en ce jour unique, qu'attendez-vous pour lâcher votre pudeur avec tant d'amour à exprimer? Ne vous faites pas prier, ouvrez-vous. Les Verseaux, l'occasion est trop belle de vous la couler douce. Allez enfiler votre habit de lumière et laissez-vous gâter. Et les poissons, la lune éclaire votre ciel pour le bonheur de vos écailles. Mettez vos lunettes roses histoire de passer cette journée dans le meilleur des mondes possibles. Une excellente journée en tous les cas, à toutes et à tous. L'Astro Top. L'Astro Top.

une artiste Radio Explore à l'instant en direct hein, jusqu'à midi. C'est le morning de l'été, ça se passe comme ça. On parle d'ailleurs, si vous êtes fan de la pomme, eh ben on parle d'iPhone 7, le tout nouveau, il va sortir bientôt. Eh ben on en parle dans quelques minutes avec David ici dans les infos high tech. Mais avant ça, vous l'avez peut-être découvert dans le Pet Mix Violette entre 20h et 22h, c'est Bob Sinclair, le tout nouveau titre. On est là, ici jusqu'à midi, on bouge pas, c'est le morning. Bon réveil. Allez, 10h tout prendre tout pile en direct évidemment et passer de 30 minutes. On est ici ensemble jusqu'à midi hein, pour le morning de l'été. Puis on rejoint David dans les studios pour les infos high-tech. Bienvenue tout le monde. Toute l'actu des nouvelles technologies, c'est High-Tech News. High-Tech News. L'iPhone 7 sera vraisemblablement dévoilé en septembre prochain et seule une catastrophe nucléaire ou une invasion de zombies pourrait forcer Apple à changer son calendrier déjà bien établi depuis 2011. Les nouveaux smartphones d'Apple devraient d'ailleurs être accompagnés de deux nouvelles Apple Watch. On parlera d'ailleurs tout à l'heure d'une montre. 2016 qui est donc une année importante pour Apple. Comme tous les deux ans, l'iPhone change de numéro et par extension de design, de taille, voire même d'interface. L'iPhone 7 ne fera pas exception à cette règle, même si cette année, les évolutions s'affecteront à la marge finalement. Les rumeurs sur le prochain terminal d'Apple courent sur le net depuis quelques mois déjà dans ce dossier. Eh bien, pas mal de rumeurs diverses et variées. En tous les cas, on aura l'occasion hein, d'ici à septembre de reparler de cet iPhone 7. Et puis, on parlait d'une montre. Hein, je vous le disais, le FFC a diffusé plusieurs visuels de la ZenWatch par Asus qui, contrairement au modèle précédent, propose un design tout en rondeur à l'image de la Moto 360 ou de la Gear S2. Alors les images ne sont pas très jolies, mais on devine une finition or sur un châssis noir. Le chargeur sans doute magnétique ressemble un peu au galet de l'Apple Watch. Enfin, les trois boutons donnent une touche classique à cette nouvelle ZenWatch. En dehors du design, on sait que cette montre intègre le Bluetooth 4.2 ainsi que le Wi-Fi.

je pense que j'ai signé le son de l'été, hein. Son de Bailar l'instant en direct évidemment jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Et puis vos messages là comme Elodie de Bordeaux a de retrouver évidemment la libre antenne dès le mois de septembre. Bah oui hein, la rentrée à Mixor c'est dans moins de 15 jours. Et bah ouais, on parle pas de rentrée, pour l'instant c'est encore les vacances. Allez, pour la suite, Sound of Legend, Komodo. De son dance floor. Un max de son dance floor. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Eh, eh, eh. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Eh, eh, eh. Même pas eu le temps de lui expliquer. Eh, eh, eh. C'est plus la peine de continuer. Eh, eh, eh. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Je suis désolé, eh, eh. Encore une fois j'ai tout gâché, eh, eh, eh. Mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court, eh, eh. Mais à coup pas. Mea culpa. Je lui dis qu'elle m'a fatigué, eh, eh. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher, eh, eh. J'sais pas comment lui expliquer, eh, eh. Un jour je finirai par me barrer, eh, eh. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Je suis désolé, eh, eh. Encore une fois j'ai tout gâché, eh, eh. Mais c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, eh, eh. C'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court, eh, eh. mea culpa. Mea culpa. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts avouer, à demi-mot pardonner, mais c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court. Mea culpa. Mea culpa. Et sur internet on trouve de tout hein, comme réparer des tongs avec une attache d'un paquet de pain de mie. Bah ouais c'est énorme, c'est comme ça ici jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, ça se passe comme ça. Merci d'être avec nous, hashtag morning RadioMixFloor pour lâcher tous vos messages hein, sur Facebook, sur Twitter, n'importe où. Rajoutez-nous également sur Snapchat, vous tapez RadioMixFloor. La suite, le son, j'adore, Alvaro Soler, Sofia, on est là jusqu'à midi, bougez pas. J'adore ce son, Alvaro Soler à l'instant, Sofia, que vous soyez chez vous ou parti au boulot. Bon, en tout cas, merci de nous écouter sur RadioMixFloor, ça se passe comme ça. Évidemment, la suite avec Mister Amir. Eh bah oui, j'ai cherché. Eh bah en tout cas, il va chercher évidemment une petite page de pub et puis on s'en rejoint évidemment dans moins de 2 minutes. Reste avec nous jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, ça se passe comme ça. Si vous voulez réagir, tous vos messages sur Facebook, sur Twitter, hashtag morning RadioMixFloor, à tout de suite. RadioMixFloor. Un max de son dancefloor.

Le son de la bière à l'instant, j'ai cherché. Et bon, on va chercher le soleil avec la météo. On rejoint tout de suite David pour la météo, évidemment. On dirige jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Merci d'être avec nous et d'être aussi nombreux chaque matin. Ça fait bien plaisir. La météo, tout de suite. Si ça se balance. Météo. Allez, la météo de ce vendredi 19 août 2016. Sur le nord et le nord-est, après les orages de la veille, le ciel est encore chargé ce matin avec localement quelques bancs de brouillard sur les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace. La grisaille va se morceler, les éclaircies vont dominer cet après-midi sur les régions de l'est. Sur la moitié sud, c'est un temps ensoleillé dès ce matin, mais qui va progressivement se voiler par le nord et l'ouest. Il deviendra très nuageux, le ciel ou couvert cet après-midi sur les Charentes puis l'Aquitaine, alors que l'impression reste au beau temps des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, d'autant plus que la chaleur est de retour en Bretagne. La journée débute sous la pluie avec un vent de sud puis de sud-ouest modéré. Les pluies temporairement soutenues vont se décaler sur la Normandie et les Pays de la Loire. Les températures minimales, 12 à 16 degrés en général du nord au sud jusqu'à 20 à Nice. Les maximales comptaient 25 à 28 degrés sur une large moitié nord, 21 à 24 degrés seulement de la Bretagne et la frontière belge, 28 à 34 degrés au sud. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Un max de son dance floor. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Ah yeah, ah, ah, ah, yeah. Un max de son dance floor. Taxi. Yo, yo, yo, me vale taxi, yo, yo. te dans la gouva. Je claque des doigts en feuille de bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi. Ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son. Se retrouver en taxi avec Macassi, que demander mieux. Ben voilà, en tout cas, le son de Pitbull à l'instant, Macassi, le taxi, ensemble évidemment jusqu'à midi. Je vous accompagne avec vos messages aussi, hein, comme Fanny là, du côté de Boulogne-sur-Mer. Le temps n'est pas là, mais en tout cas, le son de Radio Explore nous met de bonne humeur. Ben merci à toi, ça fait bien plaisir. Et ben justement, maintenant on quitte Boulogne pour Paris avec le dernier son, la dernière bombe de Willy William et Chris Cab. Ça s'appelle Paris. On est ensemble jusqu'à midi. Bon réveil, l'émission qui vous emmène du petit-déj à l'apéro. C'est ici que ça se passe au Radio Xor. Welcome. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ses rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante, la, la, la, la, la. Parce que moi, je me combats dans Paris. Je me combats dans Paris. Je me combats dans pam rap pam pam pam pam.

Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange. J'ai qui pense au nom. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange. Nous on marche à la parole. Nous on marche à la parole. On en a rien à foutre. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Un max de son dance floor. To 6 a.m. Time to work, yeah. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, hush, hush. Don't tell no one. I'm not proper, Mr. Lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on. So, baby, just keep it a little secret. Like they don't know, won't do them no harm. We can do mouth to mouth when I'm speaking. En direct hein, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Puis on en a parlé évidemment dans la chronique signée. Hein, c'est le film Camping 3 qui cartonne d'ailleurs dans les salles. Et j'ai vu un petit aperçu, il a l'air énorme. Voilà, je vais sûrement aller le voir bientôt. Et bah justement, on se balance la bande originale du film Camping 3. C'est le nouveau Maître Gims. J'adore ce son, ma beauté. C'est le son de l'été jusqu'à midi. C'est le morning. Bon réveil. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Mon propre fantôme, face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas.

Allez, le son de 21 Pilots à l'instant en direct avec Ride. Et puis, c'est 2-3 personnes à me demander là si j'ai le son de Kids United avec Black M sur ma route. Bon, c'est pas notre habitude, je vais me faire engueuler par le responsable programme. Mais bon, rien que pour vous, allez, je me suis dit, allez, c'est le matin, c'est le morning de l'été. On se fait un petit kiff et j'adore ce son, j'aime bien finalement. Kids United sur ma route, Black M. Il y a eu du movie, de l'aventure dans le movie. Une vie de route sur ma route, oui, je ne compte plus les sous. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis eux disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que tu es grand. Oh oui, sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route, sur ma route, oui. Je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route, sur ma route. Parce que j'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Mais mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route elle est trop longue. Pas de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Il est bien ce son, j'adore. Kids United avec Black M. Moi j'aime bien, c'est le Black M, c'est le Aya, Aya. J'aime bien, c'est pas mal, ça donne une petite touche à sur ma route. Voilà. Bon, en tout cas, un changement de style, évidemment, ça se passe comme ça sur Radio Mixlore, un max de son dance floor. Je vous ai prévu beaucoup de choses là, évidemment, qui arrivent dans la dernière demi-heure. Et bah, comme par exemple, le son de Dimitri Vegas, Like Mike, j'adore ce son, c'est une tuerie. Arcade. Vous l'avez peut-être entendu dans le Paid Pix de l'été qui revient dès lundi d'ailleurs avec DJ Chibas au platine à partir de 20h. Ce sera Quentin au micro. Allez, Arcade tout de suite. Bon réveil. We'll be right back.

Kinshasa na Brazza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Nani Saint-Théo, Belgique na Darcy, Bilou na Demdemo, Juna Jana na Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the corner's just too rough, and things go wrong no matter what I do. Now and then I feel like life is just too much. You got the love I need to see me through. You got the love, you got the love, I got the love. You got the love, got the love, I got the love, I got the love. You got the love, got the love, you got the love, I got the love. You got the love, you got the love, love, love. Un max de son dance floor. See

So